Qu'est-ce qui pense quand je pense ? Pour Averroès, celui qui pense, ce n'est pas l'homme ou la femme que je suis, ce n'est pas non plus le sujet ni l'individu que je suis. Non, ce qui pense quand je pense, c'est l'intellect, cette puissance transcendante et peut-être divine qui s'exprime à travers moi. Vous comprenez le scandale, la petite piqûre narcissique que cette affirmation a pu susciter. Comment celui qui pense, celui qui use de son intelligence, ne serait en fait pas moi ? Que reste-t-il à l'être humain si on lui enlève son intelligence ? À la suite d'Averroès, il ne faudrait plus dire « je pense », mais « ça pense en moi ». Ça vous rappelle quelque chose ? Au cours des siècles derniers, il y a eu trois grands changements dans l'idée que l'homme se faisait de lui-même. Trois grands coups portés à notre orgueil, à notre vanité. Avant Copernic, nous pensions que la Terre était le centre de l'univers et que tous les corps célestes gravitaient autour d'elle. Avant Charles Darwin, l'homme croyait qu'il était d'une espèce particulière, tout à fait à part du règne animal. Avant Sigmund Freud, l'homme croyait que ce qu'il disait et faisait était l'expression de sa seule volonté consciente. Mais le grand psychologue démontra l'existence d'une autre partie de notre esprit qui fonctionne dans le plus profond secret et qui peut parfois diriger notre vie. Voici l'histoire de la descente de Freud dans les ténèbres d'un monde aussi sombre que l'enfer lui-même. L'inconscient de l'homme. Stop! Bonjour Jean-Baptiste Brenet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur les chemins de la philosophie. Est-ce que comme les chantent le chantent les Pixies, vous avez les pieds en l'air et la tête en bas ? Toujours. Ce serait une bonne position pour faire cette émission. Justement, on va se demander où est l'esprit dans la tête. Vous êtes en tout cas professeur de littérature arabe à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire... De philosophie, pas littérature. Oui, j'ai dit littérature, c'est philosophie, puisque vous travaillez sur Averroès. Vous êtes membre du laboratoire Sphère, n'est-ce pas ? Et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Averroès, et c'est avec vous ce matin donc que nous allons tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qui pense quand je pense ? On a fait le lien tout de suite avec Freud, vous avez entendu un extrait du film de John Huston, Freud, passion secrète, parce que ce que dit Averroès semble avoir un lien avec ce que dira Freud plus tard, à savoir qu'il n'y a pas que le « je » qui pense dans l'homme. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder pour comprendre ce que dit Averroès ? Oui, d'abord c'est accrocheur. Et ça n'est pas qu'avec Freud qu'on l'a associé, on l'a fait aussi avec Spinoza, avec Nietzsche, avec Marx, avec une certaine sociologie aussi. Bref, on a placé Averroès du côté des philosophies de la non-subjectivité, voire de l'anti-subjectivité. Et ça a effectivement un fond de vérité. D'abord, historiquement, c'est ainsi, avant même que Freud n'apparaisse, qu'on a attaqué, c'est sous cet angle-là qu'on a attaqué Averroès, c'est-à-dire en lui reprochant de retirer à l'homme ce qui était censé le constituer, à savoir sa puissance propre de penser, et par là d'agir et d'être responsable de ses actes. Et il y a un fond de vérité, parce que, disons, l'Averroès de la maturité se caractérise par un système qui effectivement fait de l'intellect une sorte de puissance commune de l'humanité, comme à la verticale des têtes, qui serait coupée des corps individuels, et qui, en lui-même, n'appartiendrait à personne en particulier. Si bien que si les individus pensent, et c'est le cas pour Averroès, ils ne pensent pas du fait que, Et pour comprendre cela, il faut sortir de l'idée que nous avons, nous, et qui tient au rapport que nous entretenons en scientifique avec le cerveau. Mmh. Donc si l'homme pense, ça n'est pas ça ne tiendrait pas à la possession originaire de naissance d'une puissance intellectuelle personnelle. Donc il y a effectivement chez Averroès, on peut le dire avec un peu d'anachronisme, mais c'est tout de même juste d'un point de vue théorique, il y a le refus de l'idée d'une sorte de personnalité mentale originaire, c'est-à-dire de l'idée que chaque individu paraîtrait dans l'existence doté d'une capacité intellectuelle, j'insiste bien sur ce terme, qui n'appartiendrait qu'à lui. Et de ce point de vue, la conception qu'il élabore de la pensée, effectivement, vient heurter quelque chose qui en vérité était en train de s'élaborer, n'existait pas encore, hein. Descartes n'est pas né, le cogito n'existe pas, mais quelque chose qui est en train de s'élaborer en Europe et qui, disons, tend vers la doctrine moderne de la subjectivité. Donc Averroès, de ce point de vue, effectivement, même si sa doctrine est subtile, elle ne se veut pas scandaleuse, elle n'est pas absurdement contradictoire, puisqu'il sait bien, lorsqu'il a écrit son système, qu'il est en train de penser, donc ça n'est pas un système qui défend l'idée que l'individu ne pense pas, mais qui demande de revoir les conditions de possibilité de ce qu'on appelle la pensée individuelle. Mais pourquoi effectivement, sa manière... Ouais, allez-y. Je vous en prie. Non, sa manière de d'établir ces conditions heurte ce que la modernité place au centre de la vie humaine. Mais pourquoi un tel scandale? Parce que c'est quand même le terme qui est approprié. Pourquoi est-ce que ce que dit Aristote lorsqu'il dit que la pensée, l'intellect, on va préciser les termes, hein, ne dépend pas du sujet qui pense, mais le précède en un certain sens. Pourquoi est-ce si scandaleux même au moment où il le dit? C'est scandaleux, c'est une question difficile parce que effectivement nous n'avons pas de texte qui montre l'effet qu'a produit la pensée d'Averroès dans le monde arabe, sur cette question-là, dans le monde arabe, ou je pourrais dire le monde musulman. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est de savoir comment, en contexte islamique, une telle position a été reçue. Ça nous permettrait de savoir quel est le critère qui a joué dans la condamnation, dans le scandale qu'Averroès a produit. Ce qui nous reste, c'est l'effet que sa pensée a produit dans le monde latin, où son œuvre a circulé dès qu'elle a été traduite. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu scandale? Pourquoi le scandale n'a pas eu lieu plus tôt avec d'autres auteurs? Je pense par exemple à Plotin. D'un certain point de vue, on pourrait considérer qu'on trouve chez Plotin des positions qui vont dans le même sens, même si Averroès est un néo-aristotélicien et pas du tout un néo-platonicien. Chez Aristote, c'est flou, mais disons que ce qui caractérise peut-être, ce qui se tient aux racines du scandale, chez Averroès, vous voulez dire. Vous avez dit Aristote. Chez Averroès. Vous parlez d'Averroès, hein. Oui, non, parce que vous parlez d'Aristote. Je veux dire que les éléments qu'Averroès met en place, il les prend chez Aristote. C'est ça. Il faut toujours se rappeler que lui ne prétend pas faire œuvre originale. Il se place en simple commentateur d'Aristote. Il tâche d'expliciter la parole du maître. Et cette parole du maître, s'agissant de l'intellect, dans le cadre de sa psychologie, elle est ambiguë. Elle est délicate, puisque, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais elle fait un peu éclater les cadres de son système. Mmh. Mais effectivement, ce que dit Aristote n'a pas produit un problème, un scandale, disons, et aucunement même, du même ordre que celui qui adviendra avec la philosophie d'Averroès. Donc pourquoi, pour répondre à votre raison, à votre question, cela a rapport sans doute à deux choses. À mon avis, il y a quelque chose, une raison générale, il y a quelque chose dans le système d'Averroès, commentateur d'Aristote, qui blesse l'humanité en général. Et donc, la raison fondamentale du scandale serait d'ordre anthropologique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on tire les fils, que l'on comprenne plus ou moins bien, mais de ce qu'Averroès dit, il y a quelque chose là qui vient blessé, menacé, inquiété, angoissé, tout homme, quel qu'il soit ou qu'il soit. Blessure narcissique, là, le terme s'emploie, ça s'applique. Une blessure narcissique, même si, pour que la blessure ait lieu, il faut que le narcissisme existe. À l'époque où Averroès parle, un certain nombre de choses qui, pour nous, sont évidemment blessantes, ne l'étaient pas. Mm-hmm. Je veux dire que, encore une fois, une doctrine de la subjectivité, telle que la modernité l'a promue, n'existe pas encore. Et donc, il ne faut pas faire d'anachronisme là et mal comprendre le choc. Je pense que, indépendamment de cela, peut-être si on laisse de côté le terme de narcissisme, tout homme, quelle que soit l'époque, quelle que soit son aire géographique, religieuse, culturelle, tout homme est inquiété par l'idée d'être dépossédé de sa raison. Tout homme est inquiété par l'idée que tout meurt avec lui et que ne demeure de lui que quelque chose qui n'est pas lui, une puissance de pensée anonyme. Tout homme est inquiété par l'idée que la pensée qu'il pense être sienne est l'œuvre bien d'une réalité autonome qui le précède dans l'existence, etc. Donc il y a ces raisons anthropologiques fortes, si vous voulez, qui justifient l'étrangeté que produit en tout individu le système d'Averroès. Et puis, il y a la raison qu'on pourrait dire européenne, mais en un sens complexe, qui demanderait beaucoup d'analyse et de discussion, donc je le mets entre guillemets. Mais disons qu'il y a très certainement, dans cette Europe, entre guillemets, qui est en train d'élaborer une doctrine de la subjectivité qui s'alimente de plusieurs sources. Par exemple, l'une de ces sources, c'est Augustin. Et dans cette Europe-là, qui est en train donc de bâtir ce qui sera la théorie moderne de la subjectivité, qui place au cœur de l'individu une raison personnelle fondatrice de ses actes et donc à la racine de sa responsabilité, il y a quelque chose là qui devient, qui ne peut pas admettre, qui ne peut pas comprendre ce qu'Averroès est en train de suggérer. Mmh. Donc ce qui est intéressant, c'est que Averroès peut-être a contribué négativement, si vous voulez, comme un repoussoir, un peu comme un pôle négatif, il a contribué à accélérer l'élaboration de l'outillage théorique dont l'Europe avait besoin pour affiner la figure de l'homme moderne qu'elle était en train de concevoir. Oui, ça c'est passionnant, voilà. Parce que ça fait vraiment d'Averroès le relais entre l'Antiquité, enfin en tout cas Aristote, et la modernité. C'est-à-dire, c'est un relais, assurément. Bon, ça n'est pas qu'un relais, parce que les Arabes ne valent pas que comme le chaînon manquant entre les Grecs et les Latins. Ils valent pour eux-mêmes, avec leur génie propre, et ils ont promu des choses qui n'ont pas été développées, mais qui ont une valeur en elles-mêmes. Et quand on parle de relais s'agissant d'Averroès, il faut voir que c'est un relais ambivalent, c'est-à-dire à la fois un relais négatif, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que il a contribué à stimuler une sorte de réponse, une réponse de l'adversaire, en l'occurrence la scolastique, qui a tenté face à ce génie, qui a tenté de préciser sa position. Mais c'est un relais aussi positif parce que ce qu'il a dans ses commentaires d'Aristote légué à la scolastique naissante, est d'une importance considérable, recouverte parce que évidemment, quand on a du succès, on oublie. Le nom de l'inventeur est rapidement perdu tellement cela se propage. Mais Averroès n'est pas que l'homme du scandale. C'est aussi le commentateur par excellence et la scolastique et donc la modernité qui ne rompt pas en tout avec le Moyen-Âge, contrairement à l'image qu'on s'en fait, lui doit beaucoup. Alors on va écouter un premier texte ensemble. C'est un texte que vous considérez, je crois, Jean-Baptiste Brenet, comme étant une forme de matrice, un texte d'Aristote commenté par Averroès et qui a pu faire l'objet, si ce n'est de malentendus, du moins a pu secouer les commentateurs, car il affirme quelque chose qui paraît très subversif quand on a les éléments en main pour pouvoir comprendre pourquoi ce texte est subversif. Est-ce que vous voulez en dire deux mots avant qu'on l'écoute, ou est-ce qu'on l'écoute et vous le commentez ? Alors écoutons-le, ouais. Puis j'en parlerai juste après. Très bien, alors voici le texte qu'on peut appeler donc celui de l'intellect séparé. On le trouve dans le traité d'Aristote De Anima, le traité de l'âme, 3-5. C'est un texte lu par Denis Podalydès. Comme il y a dans la nature tout entière, d'une part, un principe qui fait fonction de matière pour chaque genre de choses, et c'est ce qui est en puissance toutes ces choses, et d'autre part, un principe causal et actif qui les produit toutes, telle la technique par rapport à la matière, il est nécessaire que dans l'âme aussi se trouvent ces différences. De fait, il y a, d'une part, l'intellect capable de devenir toutes choses, et d'autre part, l'intellect capable de les produire toutes, semblable à une sorte d'état comme la lumière. D'une certaine manière, en effet, la lumière, elle aussi, fait passer les couleurs de l'état de puissance à l'acte. et cet intellect est séparé, sans mélange et impassible, étant acte par essence. France Culture, les chemins de la connaissance, et Aristote Averroès et mon invité Jean-Baptiste Brenet sont au programme ce matin. Vous venez d'entendre le texte, un extrait du De l'âme d'Aristote, lu par Denis Podalydès. Il faut savoir que dans De l'âme, Aristote montre que l'âme est toujours la forme de quelque chose, elle est constamment liée à une matière et au corps. Et dans ce texte, il affirme qu'il y a un intellect, que cet intellect serait séparé, sans mélange et impassible. Or, comment est-il concevable que l'intellect puisse être absolument séparé du corps? Est-ce que c'est ça qui pose problème dans le texte, Jean-Baptiste Brenet? Oui, c'est ça. C'est un des textes les plus difficiles du corpus aristotélicien, car on peut dire que depuis Aristote, on a cessé de le commenter et de tâcher de le comprendre. Et encore aujourd'hui, les spécialistes d'Aristote ne s'entendent pas sur le sens qu'il faut donner à ces paroles. Donc vous avez parlé d'un texte matrice, en effet, d'une certaine manière, ce texte-là est le texte qui a obsédé toute sa vie Averroès. Et l'histoire d'Averroès, c'est l'histoire de l'interprétation de ce texte. Et ce texte parle de quoi? Il parle non plus de l'animal en général ou du vivant, mais de l'homme, et il essaye d'expliquer comment la pensée de l'homme en particulier peut advenir. La pensée de l'homme advient parce que dans son âme intervient un intellect. Mais la caractéristique de ce texte, c'est de distinguer deux intellects. Mmh. Pour penser, il faut un intellect récepteur, un intellect substrat, parce que penser, c'est pâtir, c'est recevoir des formes, c'est recevoir des concepts, disons. Mais la caractéristique de l'aristotélisme contre Platon, c'est de dire que ces concepts n'existent pas déjà prêts, comme des idées platoniciennes, et qu'il faut les faire. Donc pour pouvoir recevoir des pensées dans son intellect, puissance de son âme, il faut un autre intellect. Un intellect fabricateur, un intellect poétique, si l'on reprend le grec, un intellect que la tradition appellera agent, qui n'est pas le terme d'Aristote, mais cela convient à ce qu'il dit. Et Aristote, donc, dit que une pensée humaine ne s'explique que par la synergie de deux intellects, un intellect agent producteur des concepts, et un intellect qu'on dira matériel, qui devient toute chose, et qui en fait reçoit ces formes-là. Et la séparation dont vous parlez, dont parle Aristote, concerne cet intellect agent qu'on a eu du mal à situer dans l'univers. Et pour beaucoup d'aristotéliciens, encore aujourd'hui, on considère que c'est sans doute Dieu, sans doute le premier moteur de l'univers. Mais tout le monde n'a pas été de cet avis. Mais la caractéristique d'Averroès, et ce qui marque son dernier système scandaleux, c'est que les caractère de séparation, de non-mélange et d'impassibilité, il ne les applique pas seulement à cette puissance fabricatrice de la pensée, mais aussi à l'autre intellect, l'intellect qu'on appelle matériel, l'intellect substrat ou l'intellect récepteur. Et donc, des deux intellects, le dernier Averroès dit que ce sont des réalités séparées, sans mélange avec quoi que ce soit et pas avec le corps, et impassibles. Et ouais. c'est ce second aspect qui a posé problème, à savoir l'idée que le substrat des pensées, qui est censé être en nous, le récepteur de la pensée, qu'en nous nous aurions fabriqué, eh bien que ce substrat-là, il est séparé de nous, et que de toute façon, ce qu'il reçoit, il ne le reçoit qu'après l'intervention d'un agent extrinsèque. Mais bref, lorsqu'il fait ça, ce qui est censé... ouais. est-ce qu'il ne réintroduit pas un dualisme qu'il n'y avait pas chez Aristote? Alors, le problème, c'est que ce dualisme, enfin le terme est peut-être un peu trop fort, ouais. C'est Aristote lui-même qui l'introduit, puisque le système aristotélicien, on dit qu'il est illémorphiste, c'est-à-dire que il considère que l'homme est un composé, comme tout vivant, comme toute chose sur la Terre, c'est-à-dire un composé de forme et de matière, l'âme, comme vous l'avez rappelé, la forme du corps, mais lorsqu'il parle de l'intellect, il dit « Ah, l'intellect, ça semble être une substance, quelque chose de divin ». Comme si ça venait d'ailleurs, ce qu'il dira d'ailleurs dans un autre texte, La Génération des Animaux, au livre 2, en disant que l'intellect vient du dehors. Donc le coupable, si je puis dire, c'est Aristote lui-même. Je veux dire que les commentateurs en général, et Averroès en particulier, n'ont pas sorti de leur chapeau, par pur plaisir de dérive exégétique, n'ont pas sorti ces interprétations-là. c'est le texte d'Aristote lui-même qui contient ces problèmes et qui demande, qui autorise un dépliage en plusieurs sens. Donc Averroès ne plaque rien, il tire l'une des virtualités problématiques du De Anima d'Aristote lui-même. Donc allez-y. Voilà. Donc il y a effectivement quelque chose de curieux, c'est-à-dire que l'homme est un vivant comme les autres, l'homme est un animal comme les autres, mais c'est en même temps un animal doté d'une puissance de pensée, l'intellect, qu'on ne sait pas situer. On ne sait pas placer cette meilleure puissance de lui-même qui est censée le définir dans son âme. On ne sait pas qualifier, déterminer le statut de cet intellect. Et la bizarrerie du monde arabe, par rapport, disons, à un Thomas d'Aquin, si vous voulez, qui est dans la scolastique figure l'adversaire le plus connu d'Averroès, et qui fait de l'intellect une puissance personnelle de l'âme, que ce soit l'intellect agent ou l'intellect récepteur, eh bien, la caractéristique des Arabes, et d'Averroès encore plus que les autres, puisque lui, il va appliquer cela aux deux intellects, c'est de voir dans l'intellect puissance de l'âme, une réalité séparée de l'âme, une réalité séparée par son être de l'âme et donc du corps de l'individu. Toute la question, c'est de savoir quel type de rapport on va pouvoir instaurer entre cette réalité qui est à la fois de nous et pas en nous. Et les adversaires diront, nous avons affaire là à un dualisme scandaleux qui en fait prive, dépouille l'homme de son intellectualité. Et vous avez les lecteurs plus subtils qui diront, non, on voit là s'élaborer une espèce de pensée de l'intellect qui ne verse pas dans le dualisme, mais qui demande de repenser la notion de forme. Au fond, qui a dit que ce qui me définissait, ce qui me permettait d'agir, ce qui était en un sens de moi, devait nécessairement être en moi comme mon œil est en moi ou comme ma puissance de me nourrir est en moi. Peut-être qu'il y a différentes façons d'être dans, différentes façons d'être à, différentes façons d'agir par, et c'est cela qu'Averroès, sur la base d'Aristote, est en train d'élaborer, et que les latins ont vu mais n'ont pas accepté. Et est-ce qu'on peut dire que Averroès, en commentateur d'Aristote, essaye de sauver ce jeu qui pense dans le je pense? Même si, encore une fois, le dire ainsi est anachronique, hein, j'entends bien, mais est-ce qu'il y a de ça? Alors, c'est pas totalement anachronique, parce que le prédécesseur iranien génial que fut Avicenne, Ibn Sina, et qu'Averroès connaît bien, mais qu'il n'aime pas du tout, parce qu'il le juge néoplatonicien et trop proche des théologiens, mais le grand Avicenne est un philosophe du jeu. Il y a dans le monde arabe ce que nous ignorons, c'est-à-dire ça ne s'enseigne pas, ça ne se lit pas assez, mais il y a une grande théorie de l'égoïté, du cogito, si vous voulez, c'est même célèbre puisqu'Avicenne a élaboré l'idée de l'homme volant dont on a fait une préfiguration du cogito cartésien. Donc ça n'est pas un anachronisme de parler de jeu. Pour répondre à votre question, je dirais que oui. Même si je suis d'accord avec notre point de départ qui rapprochait Averroès du freudisme ou du spinozisme ou d'autres choses de ce genre, il y a chez lui une théorie du jeu, une théorie de la personnalité mentale, mais qu'il faut repenser à nouveau frais. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas de trancher entre des philosophies de la subjectivité, disons, acceptons ce terme, et des philosophies de la non-subjectivité. La question, c'est de savoir ce que la subjectivité veut dire. La question, c'est de savoir, comme vous l'avez dit pour lancer l'émission, quel est ce jeu qui pense. Donc, Averroès n'est pas du tout, contrairement à ce que les latins ont voulu faire croire, n'est pas du tout l'homme qui fait de cet énoncé « l'homme ne pense pas » la charte de sa doctrine, pas du tout. Il est évident pour lui que l'homme pense. Il est évident qu'il faut sauver les phénomènes. Et que donc il faut rendre raison de la pensée que chacun, par devers soi, entretient. La question, c'est de savoir à quelles conditions on va pouvoir établir l'existence d'une pensée personnelle, d'une pensée individuelle, compte tenu de l'intervention dans la production de la pensée, de ces réalités transcendantes, comme vous avez dit, extrinsèques que sont les intellects producteurs et récepteurs. Donc moi je crois qu'il y a tout à fait une théorie du « je pense ». Je pense qu'Averroès, justement, son génie, c'est conscient des difficultés métaphysiques que posait sa lecture d'Aristote, a tâché de sauver l'existence de la pensée propre, c'est-à-dire de l'action, c'est-à-dire de la morale, c'est-à-dire, si vous voulez, de l'eschatologie, qui pour lui a un sens très particulier. Il a tenté de sauver cela, et la réponse, la clé de sa solution, c'est le fantasme, c'est l'image, puisque c'est à travers le rapport que nous entretenons avec nos images propres, avec nos fantasmes propres, avec notre expérience personnelle du monde, que va s'établir une connexion particulière, une connexion singulière, exclusive de chacun avec cette puissance commune de pensée. Alors, on allez-y. Oui, je vous en prie. Donc, il y a, en somme, si vous voulez, deux pôles pour comprendre cette doctrine de la pensée chez Averroès. Un pôle qui est le pôle intellectuel transcendant, en quelque façon transcendant ou séparé, et le pôle fantasmatique, imaginal, au cœur de l'individu, dans son corps, et relatif à l'expérience qu'il fait des choses. Et c'est dans la connexion, dans l'accord de ces deux dimensions, qu'Averroès tâche, à sa façon, d'une façon dont l'Europe n'a pas voulu, mais que je trouve très séduisante, il tâche à sa façon de sauver quelque chose comme la subjectivité. Eh ben justement, on va voir dans un instant comment ce sauvetage de la subjectivité s'opère à travers la prise en compte de l'imagination, de l'image, même du fantasme. C'était le titre que vous aviez donné à votre livre en 2017, Jean-Baptiste Brunet, « Je fantasme » justement, grâce à un petit détour. Parce que si on identifie le pôle intellectuel transcendant, comme vous l'avez dit d'un côté, et disons l'intellect compris comme intelligence quasi subjective de l'autre, la question est celle de savoir comment le lien s'opère entre les deux. Est-ce que ce pôle intellectuel transcendant serait l'équivalent d'un dieu? Ce que le texte qu'on a entendu tout à l'heure laisse entendre, auquel cas cette espèce d'intellect divin serait comme un agent qui viendrait commander à notre propre subjectivité, ce que nous devons dire et ce que nous devons penser. C'est ce qu'Alexandre d'Aphrodis, par exemple, le commentateur grec, entre le 2 et 3e siècle après Jésus-Christ, tenait pour comme étant écrit par Averroès lui-même dans son commentaire d'Aristote. Voici un exemple qui peut permettre de comprendre ce que signifie ce qui deviendra un rapport de force entre l'intellect séparé et l'intellect humain. Figurez-vous, c'est Jeanne d'Arc qui le fait. Entendez-vous souvent cette voix ? Il n'est jour que je l'entende, et même j'en ai bien besoin. L'avez-vous entendu hier? Oui. À quelle heure hier? Hier matin, mais je ne sais pas l'heure. Que faisiez-vous quand la voix est venue? Je dormais, la voix m'a réveillée. Que vous a dit la voix quand vous fûtes réveillée? Elle m'a dit de vous répondre hardiment. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyée de par Dieu, et vous vous mettez en grand danger. Est-ce cette voix qui vous a conseillé de ne pas dire tout? J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas. La voix vous l'a défendue? Si la voix me l'a défendue, que voulez-vous y dire? Cette voix vient de Dieu? Je crois fermement qu'elle vient de Dieu et par son ordre. Et j'ai plus peur de me tromper en disant ce qui pourrait déplaire à cette voix que de vous répondre. Peut-il déplaire à Dieu qu'on dise la vérité? La voix m'a dit de dire certaines choses au roi et non à vous. Pourquoi cette voix ne parle-t-elle pas à votre roi comme elle faisait quand vous étiez en sa présence? Je ne sais si c'est la volonté de Dieu. N'était la grâce de Dieu, je ne saurais rien faire. Croyez-vous être la grâce de Dieu? Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y tienne. Vous écoutez Jeanne d'Arc sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'est-à-dire Florence Delay dans le film de Robert Bresson qui date de 1962. Jeanne d'Arc qui dit ne pas agir par elle-même, c'est Dieu lui-même qui agit et pense à travers elle, dit-elle. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre le rapport avec l'intellect dit séparé par Aristote, Jean-Baptiste Brunet, à travers notre propre corps, notre propre intellect, finalement une sorte de force agissante qui viendrait de nous dépouiller de ce que nous appelons, nous autres modernes, notre libre arbitre? C'est ce que la scolastique, donc le Moyen-Âge latin, a voulu faire accroire. Donc on a plaqué sur Averroès exactement cette idée, à savoir l'idée que l'individu, qui n'est plus qu'un corps imaginant, si vous voulez, dépouillé de la puissance intellectuelle, n'est qu'une sorte de marionnette agie du dehors par cet intellect séparé. Et qu'en gros, nous serions comme un mur coloré, dont un œil extérieur verrait les couleurs. Mais en nous-mêmes, nous ne serions rien de plus qu'une sorte de fournisseur d'accès, de porteur d'images qui serait pensé hors de nous et malgré nous. Donc il y a bien cette idée que nous ne serions rien de mieux qu'un réceptacle d'images et que la pensée se ferait par un agent que nous ne sommes pas à l'extérieur de notre corps et de notre âme. Il me semble que ça n'est pas du tout la position d'Averroès. Il y a quelque chose d'exact là-dedans. C'est que il y a pour l'humanité quelque chose qui transcende les individus. Ça s'appelle Dieu, si vous voulez, mais c'est la vérité. C'est tout simplement quelque chose qui ne relève pas, qui échappe à la conscience de chacun, qui les déborde. Et si nous sommes capables de discuter là, de nous entendre, si l'enseignement est possible, s'il y a un maître et un étudiant qui peut comprendre ce que le maître dit, c'est parce que chacun se rejoint dans, fondement de l'intersubjectivité, dans la vérité. Oui, mais ce Dieu, ou cet intellect agent séparé, ou cette vérité, n'agit pas en moi malgré moi, et ne se sert pas de moi. Il y a justement chez Averroès l'idée inverse, à savoir que la pensée, je la tiens sous contrôle. La pensée, je la veux. Je ne pense que ce que je veux. Je ne pense qu'en tant que je veux. Ah oui. Vouloir étant une certaine façon de se rapporter à ses images. Vous savez, un homme n'a rien de plus que ses images. C'est tout ce qu'il a, ce qu'il possède. Mais dans une certaine mesure, parce qu'il n'ignore pas évidemment que l'organisme a une sorte de vie dont le détail nous échappe, mais dans une certaine mesure, nous tenons les images sous contrôle, nous les combinons, nous les trions, nous jugeons à partir d'elles, et c'est cette action sur les images qui déclenche en quelque sorte le processus de conceptualisation. Donc la pensée n'est pas innée, la pensée n'est pas infuse, la pensée n'est pas une d'ordre gracieux. La pensée ne nous tombe pas d'en haut en bas, du haut en bas, ou encore moins, la pensée n'est pas quelque chose comme un bien à emporter, si vous voulez, que des mains étrangères, divines, viendraient chercher dans notre corps pour en jouir par ailleurs. Pas du tout. La pensée, c'est quelque chose qui fait intervenir l'intellect, qui se dépose, si vous voulez, ou se sédimente, ou se réalise comme pensée, comme vérité, hors de nous, parce que ça n'est pas dans les têtes de chacun que la vérité s'instaure, a lieu, pas du tout. Nous nous rejoignons en dehors de nos têtes. En revanche, l'initiative de cette jonction, l'inauguration mentale, est toujours sous notre contrôle, dépend, encore une fois, de notre activité fantasmatique, qui est large. La nuit, nous rêvons, nous ne contrôlons pas. Je rêvasse dans la journée. Je suis affecté par le sensible plus que de raison, etc. Aucun penseur n'ignore ces choses-là. Cela étant, l'homme, dans des conditions favorables, est capable, encore une fois, il tient à disposition, ce qui le différencie d'ailleurs de l'animal, il tient à disposition son imagination et il peut, de là, se joindre à l'intelligence et à la vérité par la pensée quand il le veut, autant qu'il le veut. Donc de ce point de vue, Averroès n'est pas Jeanne d'Arc, ou l'homme d'Averroès n'a rien à voir avec Jeanne d'Arc. Non, mais... Au contraire, Averroès aurait dit de haut. Ouais. Vous en prie. Est-ce qu'il serait pas plus du côté de Kant, justement? Enfin, finalement, dire que la connaissance est produite par la rencontre entre le concept d'un côté et le sensible de l'autre, c'est ce que dira Kant plus tard. Oui, de ce point de vue, enfin après, dans le détail, les choses sont très différentes, mais de ce point de vue, c'est absolument vrai. Il y a un fondement empirique de la connaissance très fort chez Averroès, qui récuse complètement l'innéisme platonicien, oui. par exemple, qui récuse l'idée que le savoir vienne d'en haut, et une pensée qui ne serait pas assise, appuyée sur le sensible, est une pensée totalement vide, une pensée creuse et dangereuse. Donc de ce point de vue, c'est vrai. Mais l'idée importante ici, pour disons répondre à votre question, c'est que de cette dépendance au sensible, de cette dépendance, de ce rapport à l'imagination, tenu en quelque façon sous contrôle, dans une certaine mesure, eh bien procède le contrôle de notre pensée. Donc l'homme n'est pas un jouet, si vous voulez. L'homme n'est pas un pantin. Et pourtant, c'est vraiment cette image. Ça n'est pas pour rien que dans l'histoire médiévale et même jusqu'à la Renaissance, l'homme d'Averroès, c'est un possédé. Le possédé, l'énergumène, littéralement, c'est celui en qui une réalité étrangère vient agir. Il est agi du dehors. Donc l'homme d'Averroès, diront les adversaires, c'est un possédé parce que le diable vient prendre comme d'un suppôt possession de lui, agir à travers lui, mais lui-même n'est plus responsable de rien. Or, un monde sans responsabilité mentale, c'est un monde sans morale, sans politique, sans jugement dernier. Donc c'est inacceptable. Mais Averroès n'est pas de cet avis. Donc il faut toujours distinguer entre l'Ibn Rushd arabe et Averroès, et l'Averroès, disons, authentique, et l'Averroès des latins. les deux choses ou les trois choses ne se recouvrent pas toujours. Donc je crois qu'il faut sauver comme une sorte d'alternative très très intéressante à penser pour nous encore aujourd'hui, comme une alternative possible à toutes les doctrines anthropologiques qui se sont élaborées dans notre modernité. Averroès, il a proposé ça. Ça n'est pas un système délirant, fou, absurde, absolument contre-intuitif, pas du tout. C'est un système absolument conscient des difficultés qu'il y a à articuler dans le cas précis de la psychologie humaine, la métaphysique avec l'empirisme. Et donc il a tâché de produire une doctrine qui ne doit pas faire l'économie de l'imagination et du rapport individuel concret à l'expérience des choses. Donc on a voulu repousser Averroès du côté d'une métaphysique délirante où une intelligence séparée se joue de nous, mais la vérité de son système n'est pas là. L'histoire de l'averroïsme n'est, à proprement parler, que l'histoire d'un vaste contresens. D'altération en altération, la philosophie du lycée se réduit à ceci. Négation du surnaturel, des miracles, des anges, des démons, de l'intervention divine, explication des religions et des croyances morales par l'imposture. Certes, ni Aristote, ni Averroès ne pensaient guère qu'à cela se réduirait un jour leur doctrine. Mais dans les hommes élevés à la dignité du symbole, il faut toujours distinguer la vie personnelle et la vie d'outre-tombe, ce qu'ils furent en réalité et ce que l'opinion en a fait. Pour le philologue, un texte n'a qu'un sens, mais pour l'esprit humain qui, à chaque heure, éprouve des besoins nouveaux, l'interprétation scrupuleuse du philologue ne peut suffire. Il faut que le texte qu'il a adopté résolve tous ses doutes, satisfasse à tous ses désirs. L'histoire de l'averroïsme naît à proprement... France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et Ernest Renan, dans son texte Averroès et l'averroïsme, essai historique lu ici par Denis Podalydès, qui semble prolonger vos propos, Jean-Baptiste Brenet, au fond ce que vous disiez. Est-ce que ça ne revenait pas à dire ce qu'écrit Ernest Renan, à savoir qu'il faut distinguer Averroès, sa pensée lui-même, et les lectures qu'on en a fait plus tardivement, ce qu'on a pu appeler l'averroïsme, et qui finalement a donné lieu à d'immenses contresens? Oui, encore que le texte d'Averroès, de Renan, est compliqué, notamment parce que le contresens pour lui a une grande valeur. Le contresens, c'est un peu la respiration de la raison. À une époque où la raison est écrasée par l'autorité religieuse, le contresens, c'est la seule voie de sortie pour la raison qui permet à la raison de continuer d'exister. Si vous voulez se tromper, c'est très bien, parce que quand on se trompe, on continue de créer au moins, alors qu'on est étouffé par ailleurs. Mais enfin, passons, effectivement, Renan, qui pourtant est très critique sur la pensée arabe et critique sur Averroès, Renan dit que, en gros, toute la scolastique et toute la modernité qui a condamné cette théorie de la pensée d'Averroès s'est trompée. Et que jamais il n'a défendu une telle absurdité, c'est-à-dire l'absurdité de ce qu'on a appelé, d'un terme mal choisi d'ailleurs, le monopsychisme, c'est-à-dire l'idée que non seulement l'intellect serait séparé, mais qu'il serait un pour toute l'espèce humaine. C'est l'autre thèse célèbre de l'averroïsme. Et Renan rappelle que si Averroès avait soutenu effectivement cette théorie de l'intellect unique qu'on lui a prêtée, alors ses œuvres mériteraient de figurer dans les annales de la démence, et non pas dans celles de la philosophie. Mais qu'en vérité, sous une forme un peu embryonnaire, mal dégrossie, il a eu une intuition très juste, qui séduit beaucoup l'homme du XIXe siècle qui était Renan, à savoir l'idée qu'il y a dans toute pensée humaine un pôle objectif, un pôle qui transcende les consciences individuelles. Et Renan dit, il y a toujours deux manières de voir les choses, hein. On peut voir les choses par le côté de leur réussite ou par le côté de leur échec. Et en gros, le Moyen-Âge latin, puis la Renaissance et la modernité, n'ont vu que le côté raté, c'est-à-dire le côté peu attentif du système d'Averroès à la psychologie individuelle. Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, Averroès n'est pas un homme que passionne la question de la psychologie personnelle. C'est exact, en dépit de ce que j'ai dit sur l'image. Mais, dit Renan, Averroès a bien senti qu'il se joue toujours plus dans ma pensée autre chose que moi, et que ma pensée, c'est si c'est une pensée scientifique, si c'est un savoir, si c'est une pensée de vérité, eh bien, n'existe comme telle qu'en tant qu'elle se connecte, se joint à un contenu, à un OM, on pourrait dire de façon moderne, à un OM qui transcende les individus. Mmh. Et pour avoir trop insisté sur cette dimension objective de la pensée et du savoir, eh bien, il aurait oublié l'autre aspect fondamental pour rendre raison correctement de la psychologie humaine, à savoir le chemin personnel de cette connexion, le rapport personnel que chacun entretient au pôle objectif de la rationalité. Mais donc, dans ce texte, effectivement, Renan, qu'on a tort de présenter comme tout uniment opposé à la pensée arabe et à Averroès, il sauve Averroès de l'histoire européenne en considérant que se trouvent chez lui les prémices d'une pensée absolument moderne, c'est-à-dire la pensée de la raison objective. C'est cela qui séduit considérablement Renan et qui en fait justifie que Renan, en 1850-52, écrit sa thèse sur Averroès, sans quoi il aurait été fou lui-même de passer quelques années à travailler sur un auteur qui n'aurait eu à ses yeux aucune valeur. Donc il l'a fait précisément pour ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort dans Averroès, c'est-à-dire qu'au fond, sa théorie de l'intellect séparé, sa théorie de l'intellect unique, c'est quoi ? C'est l'unité de l'espèce humaine. C'est l'unité de la raison dans l'espèce humaine. Il dit, à fond, Averroès, il a compris ça. Ouais. Thomas d'Aquin n'a pas vu que c'était ça, l'Europe n'a pas vu que c'était ça, mais c'était ça l'idée. Oui, c'est assez fin. Mais d'un côté, l'universalité de cette raison humaine, et de l'autre, l'ancrage, disons, singulier de cette raison, de cet intellect, dans les images. C'est ce que vous disiez. Ça. On n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, au fond. Pourquoi est-ce que l'image, c'est ce qui m'est propre? Le concept, c'est le même pour tous, mais l'image, c'est ce qui m'est propre. Pourquoi? Absolument. C'est-à-dire que l'idée fondamentale pour rendre justice à la lecture d'Averroès, c'est de ne pas oublier quelle est la charte, le principe fondamental d'Aristote contre Platon, à savoir l'idée qu'on ne pense pas sans image. Le concept n'existe qu'en tant que, je simplifie un peu, mais qu'en tant qu'on l'extrait des images, c'est-à-dire des sensibles, c'est-à-dire de notre expérience des choses. Donc je ne peux pas saisir un concept si je n'ai pas imaginé, c'est-à-dire si je n'ai pas senti, c'est-à-dire si je n'ai pas par mon corps vécu quelque chose dans le monde des choses, ici-bas. Si je vous dis donc, cheval, vous pensez à un cheval en particulier, une image de cheval. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous évoquons un concept, il est évident que si nous nous rejoignons sur la définition de ce concept, chacun est capable... C'est ce qui fait la caractéristique d'un universel, où qu'il soit, quel qu'il soit, de comprendre ce que cheval veut dire, conceptuellement, mais en même temps, chacun n'a atteint ce concept que sur la base des images de cheval qu'il a, comme on dit, en tête, et qui dépendent de la vie concrète qu'il a eue. Donc, l'idée, c'est que je ne rejoins, vous savez, le terme clé des pensées arabes, et de celle d'Averroès en particulier, c'est le terme de jonction. C'est-à-dire que penser, c'est se joindre. C'est se joindre à quoi? C'est se joindre à la vérité d'un concept, à un contenu, disons, universel. C'est ça, la pensée. Mais cette jonction est une sorte de chemin, et ce qui me permet de cheminer, l'outil de la connexion, c'est l'image. C'est-à-dire, pour penser un concept, je ne le peux que à travers les images particulières que j'ai. Donc, encore une fois, le cheval à travers les images de tel ou tel cheval qui tiennent à ma vie. Et la clé est là, c'est-à-dire que ça n'existe pas une sorte de pensée totalement hors sol, totalement désincarnée. Ça n'existe pas. En fait, tout homme pense les pieds sur terre, si je puis dire. Mmh. Tout homme pense toujours avec le monde au bout des doigts. Et en fait, le concept est toujours une sorte de réalité impure, heureusement impure, je dirais, composée, c'est-à-dire qu'elle a une partie sensible, une partie imaginale, une partie qui renvoie au corps de celui qui le saisit ce concept, et puis la partie objective. Donc tout l'avéroïsme est là-dedans, dans cette idée de cette double part, de cette ambivalence, de ce caractère bifide du concept, qui fait que chacun n'y accède que sur la base de son rapport exclusif aux choses. Et donc la pensée, c'est, on dit toute pensée est pensée de quelque chose, c'est vrai, mais cette formule doit s'entendre en deux sens. Penser de quelque chose, c'est-à-dire d'un contenu, qu'on dirait contenu noématique, d'un contenu universel, et penser de quelque chose, c'est-à-dire penser d'une image, penser à partir d'une image. L'image, c'est pas quelque chose qui accompagne le concept dans nos têtes et ou qui nous aide à nous figurer un concept. Pas du tout. C'est à la fois la patte, l'élément premier dont on a extrait le concept, et c'est son pendant, son corrélat constant. C'est-à-dire, je ne pense le concept qu'en tant que je le rapporte à une image, constamment. Je ne pense le concept, ce qui assure sa vérité d'ailleurs, que dans l'image dont je l'ai extrait. Donc toute pensée mobilise une espèce de conscience imaginale qui fait que l'universel, pour moi, n'est jamais pur, mais n'est toujours qu'un relatif, c'est-à-dire toujours l'universel du bouquet d'images qui fait ma vie. Et ça fait ma vie, ça fait pas la vôtre, ça n'empêche pas que nous puissions nous rejoindre dans cette universalité-là. Et donc il y a bien un jeu dans tout acte de pensée, et ce jeu, c'est le jeu de cogito, mais au sens étymologique du terme, cogito, hein, c'est l'action de la cogitative, et pour l'arabe qui est averroès, cela désigne une activité de l'imagination. Donc le jeu de la pensée, c'est toujours un jeu imaginant. Je suis moi dans la pensée en tant que c'est sur la base de mes images que je me connecte à l'universel, que je me joins à l'universel. C'est là la clé, si vous voulez, de la position averroïste. Mais c'est aussi ce jeu qui imagine, c'est aussi le jeu qui meurt. C'est aussi celui qui est du côté de la mortalité, quand l'intellect lui-même serait du côté de l'immortalité, non ? Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose de vous qui va survivre à la corruption de votre corps, donc de votre âme. Mais ce quelque chose de vous qui va survivre, mauvaise nouvelle, c'est pas vous. C'est l'intellect, c'est-à-dire la puissance commune de penser. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est un point que les latins n'ont pas vu ou pas voulu voir, que l'unité ou l'unicité plus exactement de l'intellect dont parle Averroès outre sa séparation, le fait qu'il y a un intellect pour toute l'espèce humaine, ça désigne pas l'unicité d'une chose comme un soleil si vous voulez. L'unicité en vérité ça veut dire ici ce qui n'est pas pluriel. Et ce qui n'est pas pluriel ça veut dire ce qui est commun. Donc la grande thèse très forte, enfin je veux dire exceptionnellement moderne et séduisante d'Averroès, c'est de dire qu'il y a une puissance commune de pensée pour toute l'humanité. Donc nous ne naissons pas avec des QI qui nous distinguent, avec des cerveaux qui nous distinguent, nous naissons avec des capacités d'activer une communauté, une puissance commune de pensée. Mais effectivement, lorsque notre corps meurt, avec nous disparaît, et cela définitivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'eschatologie à proprement parler chez Averroès, disparaît totalement notre individualité. Nous, comme êtres psychosomatiques, nous disparaissons totalement. Et donc, toutes les connexions que nous avons établies sur la base de notre corps, tous les chemins de pensée qui ont fait notre vie, tout cela disparaît. Enfin, vous pouvez en laisser des traces dans des livres, dans des beaux théorèmes bien démontrés selon des voies particulières. Mais disons, votre conscience, elle disparaît. D'autres peut-être se souviendront de vous. Mais la manière singulière que vous avez eue d'activer cette puissance commune, elle disparaît. Ce qui reste, c'est la capacité qu'a cet intellect d'être activé tant qu'il y aura des hommes. Et pour Averroès, il y a toujours eu des hommes, parce que le monde est éternel, et il y aura toujours des hommes. Il ne vit pas comme nous dans le sentiment de la catastrophe possible, dans l'idée d'une disparition des espèces, pas du tout. Il est convaincu que, métaphysiquement, le monde ne cessera jamais de tourner, qu'il y aura toujours des hommes. Donc dès qu'un homme meurt, et c'est quelque chose aussi qui a pu effrayer, disons, la scolastique européenne, oui. Dès qu'un homme meurt, qui en lui-même... n'a pas de plus de valeur que ça. Il est remplacé par un autre homme. L'important, c'est le roulement des images dans l'humanité. L'important, c'est qu'il y ait toujours suffisamment d'hommes capables d'imaginer pour activer, parce que ça c'est le destin de l'humanité, pour activer l'intelligence humaine. Mais et, encore une fois, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas d'immortalité personnelle. Donc moi, comme être pensant, c'est ce qui distingue par exemple Averroès, donc tous les Arabes ne disent pas ça, Averroès d'Avicenne, pour Averroès, il n'y a pas d'immortalité psychique, mon âme disparaît, se corrompt en même temps que mon corps. Donc il y a quelque chose de beau dans l'existence, c'est que elle est faite pour que s'exerce singulièrement une connexion à l'intelligence, mais et c'est peut-être ce qui en fait le sel, évidemment, ce mode singulier de connexion s'achèvera avec la corruption des organes. Ça, c'est évident, et ne restera donc en surplomb que cette capacité de penser qui caractérise tous les hommes. Merci beaucoup Jean-Baptiste Brunet de nous avoir éclairé sur Averroès ce matin. Je renvoie, alors vous allez, il y a un ouvrage de vous qui va paraître aux éditions Vrin, c'est une traduction, introduction et des notes de l'ouvrage d'Averroès, L'intellect, c'est ça? Oui, c'est une traduction du chapitre de l'intellect sur de sa première œuvre. Commentant Aristote, l'épitomée sur le livre de l'âme. Voilà, bah, il sera disponible cette année aux éditions Vrin bientôt. Puis je renvoie à vos ouvrages, Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel aux éditions Verdier, Averroès l'inquiétant aux éditions Les Belles Lettres. Il y en a d'autres, on les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte, eh bien, dans l'immortalité immortelle. C'est Alain Bashung. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors votre question du jour, eh bien la voici, ça commence quand la politique? C'est peut-être la grande question de l'anthropologie, à partir de quand on passerait d'une société tribale à une société hiérarchique, quand apparaît le fameux arché que redoutent les anarchistes. Ce serait par exemple avec l'agriculture, c'est par exemple la thèse du grand anthropologue James Scott, mais les philosophes longtemps ont pris, à la fois par convention et parce que l'histoire de la philosophie elle-même était sur ce point un peu biaisée, ils ont pris la cité grecque comme point d'origine de la politique, faisant insidieusement de la politique une question de taille. La politique, en tout cas entendue au sens d'une pratique potentiellement philosophique du pouvoir, devait avoir pour cadre naturel la cité et disparaissait quand on passait, par exemple, au stade de l'Empire. Donc si je vous suis bien, la question n'est pas seulement de savoir quand commence la politique, mais aussi quand elle s'arrête. Et oui, et c'est encore une fois bizarrement une question de taille qui intervient les États-Unis, avec ce fameux archipel démocrate cerné par le plateau continental du vote républicain. Sont-ils encore une structure politique viable, ou bien ne ressortent-ils plus que de la seule géographie? Vous voulez dire que la politique serait soluble dans la géographie électorale? Elle est en tout cas, et cela nous éloigne définitivement de la cité grecque, soluble dans la forme des villes. Il a même existé un genre, d'abord littéraire, puis cinématographique et vidéoludique, qui racontait que les villes modernes allaient devenir, ou étaient déjà, de gigantesques machineries destinées à détruire l'idée même de politique. Ce genre, c'est le cyberpunk. des villes sans structure municipale visible et entièrement livrées au conflit entre gangs et corporations multinationales. On pense que même dans la Gotham de Batman, cet enfer oligarchique, ce paradis libertarien, il existe encore des structures politiques. Eh bien celles-ci, elles ont disparu dans les villes futuristes et tentaculaires du cyberpunk. Et c'est ainsi la mésaventure qui vient d'arriver au dernier représentant officiel du genre. Mésaventure qui est un peu paradoxale. Le jeu Cyberpunk 2077, attendu par beaucoup comme le jeu de la décennie, vient en effet de se prendre comme un Titanic électronique, l'iceberg de la politique en pleine face. Et que lui est-il arrivé à ce malheureux jeu vidéo ? Alors ce sont ni ses bugs innombrables, ni ses facilités narratives qui lui ont été reprochées à sa sortie en septembre dernier, mais le fait qu'il était dangereusement apolitique, ce que personne n'aurait reproché à son lointain modèle, aux villes en monde ouvert de GTA où on pouvait faire à peu près n'importe quoi d'immoral. Et d'être un jeu immoral, cela avait été justement reproché à GTA, mais d'être politiquement inepte, jamais on lui avait reproché. Et c'est pourtant le reproche qui revient le plus dans les critiques qu'on peut lire de Cyberpunk 2077. Alors, on connaît depuis le fameux Gamergate de 2014, pour résumer le harcèlement d'une journaliste de jeux vidéo qui avait révélé les abyssaux problèmes de sexisme dans la communauté vidéoludique, on connaît les liens ambigus entre cette culture et les masculinités toxiques. Ce qui a rendu inexplicable ou particulièrement perverse et malvenue la présence massive de godemichés par milliers comme item à collectionner dans tous les recoins de la ville de Cyberpunk 2077. De là, on est très vite passé à la mystérieuse absence de pensée politique du jeu qui ne questionnerait jamais justement l'inquiétante absence de politique dans un monde livré aux gangs et aux corporations. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un jeu cyberpunk d'être trop punk ? Bah, toute la question est là. En lui-même, le cyberpunk, même par défaut, était un genre éminemment politique. Ses uchronies relevaient toujours en dernier lieu de la politique, même si c'était à travers la fable de son abolition. Il est cependant significatif que, perdus dans une ville gigantesque, les premiers citoyens de Night City, la ville de Cyberpunk 2077, en aient perçu, en premier lieu, la problématique étroitesse. Et donc, aucune cité ne peut être vraiment grande sans la politique, vous dites ? Bah, cela pourrait être ça, la paradoxale leçon du lancement raté de Cyberpunk 2077. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Vous me donnez envie d'ailleurs de refaire des émissions sur les jeux vidéo. On a fait toute une série il n'y a pas si longtemps pour justement montrer que les jeux vidéo n'appartiennent pas du tout aux clichés qu'on colle souvent d'ailleurs à ce type de pratique. Et on avait des invités formidables pour démontrer le contraire. Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara De Giovanni et Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions sur AVROS. Jean-Guilain Meige était à la prise de son aujourd'hui. Duny Podalides à la lecture des textes. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que vous pouvez retrouver la série À voix nue avec Duny Podalides cette semaine, tous les soirs sur France Culture évidemment. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre semaine. AVROS avait raison. Demain, on sera en compagnie de Makram Abbès. On se demandera comment fonder une cité juste et on explorera ensemble la dimension politique du travail d'AVROS. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France. Très simple d'utilisation et sans bug, garantie. Vous pouvez écouter les émissions en direct avec cette appli ou bien en téléchargement en podcast afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.